En Corée du Sud, la direction du mouvement de la province du Chola du Sud pour le départ du pouvoir de Park Geun-hye a tenu le 4 courant devant la préfecture une conférence presse pour appeler les habitants à s'engager dans la lutte pour l'édification d'une société nouvelle. Par ailleurs, d'après le journal internet sud-coréen Jaju Sibon, le syndicat national des enseignants de Corée du Sud et l'Action nationale pour la défense de l'enseignement démocratique et du syndicat national des enseignants ont organisé le 3 courant devant le ministère de l'enseignement à la ville de Saison une conférence de presse contre la répression des permanents du dit syndicat par les autorités.